1. Cette conf n'était vraiment pas terrible. Que du blabla. J'ai rien pigé au discours du conférencier. 2. Le point essentiel de cette conférence, et il n'est pas assez souligné, c'est la capacité de l'OIF à repenser son statut au regard du poids sans cesse croissant de la francophonie sur la scène internationale, n'est-ce pas ? 3. Je trouve que les solutions proposées par le conférencier sont vraiment très intéressantes. Il faut que tous les pays francophones apportent des aides financières. 4. Le conférencier ne m'a absolument pas convaincu. C'est un vain orateur, dogmatique et idéologique, complètement déconnecté de la réalité. Serait-ce si difficile de défendre la langue française efficacement ? 5. Pour moi, tout ça, c'est des beaux discours, mais il n'y a rien de bien nouveau. Je me demande comment on peut baratiner autant. 6. Moi, je pense que l'OIF peut faire mieux concernant les questions de développement durable et les problèmes liés au changement climatique.